6-13, activation, discrimination auditive, masculin, féminin. Maintenant, vous allez entendre une série de phrases qui se rapportent au portrait de Mireille. Dans chaque phrase, déterminez si l'élément en question, cheveux, doigts, etc., est masculin ou féminin, en cochant la case appropriée. Faites attention aux adjectifs. 1. Elle a les cheveux longs. 2. Elle a la taille fine. 3. Elle a les doigts longs et fins. 4. Elle a l'esprit vif. 5. Elle a les cheveux blonds. 6. Elle a les jambes longues. 7. Elle n'a pas les doigts épais. 8. Elle n'a pas les jambes épaisses.